Bonjour tout le monde! Venez par ici les amis! J'ai un truc super cool à vous montrer! C'est ma Keyblade! Eh oui! Mickey a une Keyblade maintenant! Et vous savez où il fait la mettre? Dans la serrure! Oh mon cher Pluto! Tu es un fidèle ami! Oh, je t'aime si fort! Voilà, je sais pas.